Bismillahirrahmanirrahim. Donc la dernière fois, nous avons pris la dernière question qui était liée au fasl fi al-ayman wal-qasam. On a terminé le chapitre qui touchait au serment. Maintenant, il va rentrer dans un nouveau chapitre qui est celui qui est lié aux invocations et au afkar et tout ce qui y ressemble. D'accord ? Les termes employés, comment s'exprimer ? Warel Zalika. Fayakoulu, fissuel Rabi'achar. 14e question de ce livre. Su'ila al-Sheikh rahimahullah an hukm kol fulan al-maghfur lah, fulan al-marhum. Donc il a dit, qu'en est-il du jument quant au fait de dire un tel qui a reçu la miséricorde ou un tel qui a été pardonné. Car en arabe, on dit al-marfour la, sismu maf'oul de rafira yaghfiru, et al-marhum, c'est celui qui a reçu la miséricorde. Il dit fa'ajaba rahimahullah ta'ala ba'd an-nas yunkiru qawl al-qa'il fulan al-marfour la, fulan al-marhum, wa yaquluna inna la na'lamu hal hadha al-mayyit min al-marhumin al-marfour lahum aw laysa minhum. Donc il a dit à certaines personnes, elle blâme le fait d'employer ce genre d'expression. Car ils disent, on ne sait pas si un tel lui a été pardonné ou si un tel lui a été fait miséricorde par rapport au mort. On ne sait pas, donc on ne peut pas l'affirmer en disant al-marhum ou al-maghfur lah. Qala wa hadha al-inkaru fi mahallihi. Idha kana al-insan yughbiru khabaran anna hadha al-mayyit qad ruhima aw ghufira lah. لأنه لا يجوز أن نخبر أن هذا الميت قد رحمه أو غفر له بدون علم. قال الله تعالى ولا تكف ما ليس لك به علم. Donc il a dit, et ce blâme, le fait de critiquer cette expression, cela est tout à fait plausible. Pourquoi? Car si jamais la personne informe, c'est-à-dire il affirme qu'un tel a reçu la miséricorde ou un tel lui a été pardonné, alors on dit que tu ne peux pas le savoir ça. D'accord ? Par rapport aux morts. Tu ne peux pas le savoir. Et dans le sens où Allah dit, et ne recherche pas ce dont tu n'as pas de science. Surat al-Isra, verset 36. Voyage nocturne. لكن الناس لا يريدون بذلك الإخبار قطعا فالإنسان الذي يقول المرحوم الوالد والمرحومة الوالدة ونحو ذلك لا يريدون بهذا الجزم أو الإخبار بأنهم مرحومون وإنما يريدون بذلك الدعاء أن الله تعالى قد رحمهم والرجاء ففرق بين الدعاء والخبر ولهذا نحن نقول فلان رحمه الله وفلان غفر له فلان عفى الله عنه. Donc il a dit cependant, maintenant ce qu'il faut voir c'est que les gens lorsqu'ils disent cela, eux ne visent pas le fait d'informer d'une chose en disant par exemple le père quand son père est mort qui a reçu la miséricorde ou la mère qui est morte qui a reçu la miséricorde. Eux, en fait, ce qu'ils veulent par là, c'est l'invocation. Ils veulent dire, en fait, que Allah leur fasse miséricorde. Car en arabe, quand on dit le marhum là, ça a une forme d'information, et en réalité, ça a un sens d'invocation. Comme lorsqu'on dit, comme l'auteur le dit plus tard, quand il dit, on dit rahimahullah. Quand on dit, mathalen, fulen, rahimahullah. En arabe, quand on dit Rahmanullah, la forme de la phrase, c'est une phrase qui informe. Allah lui a fait miséricorde. En apparent. Mais le sens, c'est, en fait, c'est que Allah lui fasse miséricorde. C'est un sens, c'est une demande. Mais dans son apparence, c'est une information. Toute personne qui parle arabe comprendra ce que je veux dire par là. Ceux qui vont parler arabe, peut-être sera plus dur pour eux. Quand on dit Rahmanullah, Rahima, ça veut dire quoi? A fait miséricorde. Et Allah, c'est, dans la phrase, Laz Jalalah, c'est le sujet. Donc ça veut dire, Allah a fait miséricorde. Mais ça, quand la personne le prononce, en fait, elle veut une invocation, une demande, et non pas une affirmation. Ou lorsqu'on fait une dua contre quelqu'un, quand on dit Mathalan, Qatalahullah. En fait, ça voudrait dire, Allah l'a tué. Mais en réalité, non, on veut dire que Allah le tue. Quand on parle par exemple d'un ennemi de l'islam qui a fait beaucoup de mal. Par exemple. D'accord ? Donc c'est pour ça que lui il dit, lorsqu'on dit al-marfur lahu ou al-marhum, ça prend le même jugement que rahimahullah. C'est une apparence d'information, et le sens voulu, c'est une invocation pour la personne. Donc il n'y a pas de mal pour lui. Et dans la question d'après, qui est la 15e, qui est presque la même, il était rajouté intaqala ila rahmatillah. Intaqala ila rahmatillah. Par exemple, on dit de quelqu'un qui est mort qu'il s'en est allé à la, vers la miséricorde d'Allah. Donc il dit, il est interrogé, qu'en est-il de dire cela? Qala, ça c'est la question 15, hein, mais j'ai pas lu le début parce que c'est la même question que ce qu'on vient de lire à l'instant. Qala wa amma intaqala ila rahmatillah فهو كذلك فيما يتظهر لي وفيما يظهر لي أنه من باب التفاؤل وليس من باب الخبر لأن مثل هذا من الأمور الغيب ولا يمكن الجزم به وكذلك لا يقال انتقل إلى الرفيق الأعلى. Donc il dit, quand on dit par exemple que un tel s'en est allé vers la rahma d'Allah, il dit, pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est en fait, c'est comme une forme d'optimisme qu'on espère en fait. C'est une espérance et non pas une affirmation. Car on ne peut pas le savoir. C'est une chose qui n'est pas, qui est méconnaissable car ça touche à l'invisible. Le mort, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est. On espère de lui du bien, c'est qu'il est parmi les gens du bien. Et on craint pour lui du mal, c'était parmi les gens du mal. On ne peut pas dire un tel, Allah lui a pardonné. On ne peut pas savoir. Donc il a dit, quand les gens disent cela, intaqala ila rahmatillah, en fait, c'est on dire, نرجو أن الله يتقبل منه ويرحمه. C'est on espère que Allah l'accepte de lui et lui pardonne. هذا الذي أراد الشيخ في هذا. Mais celui qui dit ce genre de phrase, lui ça viendra à sa niya, parce que dans en langue arabe les deux versions sont acceptables. Si elle a voulu une affirmation, cela n'est pas permis. Et si elle a voulu une invocation, cela est permis. نعم. هذا الذي أخذنا اليوم من هذا السؤال أو هذين السؤالين فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.